Mireille Kanyang. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici, madame, monsieur, les grands titres. Les travailleurs de l'école indépendante de Bujumbura regroupés au sein du syndicat STEIB réclament la hausse du salaire suivant la classification de cette école dans la catégorie A. La stabulation permanente du bétail doit être appliquée par tous les éleveurs de la province Muyinga à partir du 1er avril de cette année. C'est du moins le contenu du communiqué du gouverneur de cette province de Muyinga. Qualification ce dimanche de 7 athlètes burundais, 3 filles et 4 garçons qui représenteront le Burundi dans le cross-country qui se déroulera au Danemark fin mars. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Koubguiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Il s'observe des coupures répétitives du courant électrique sur une partie de l'avenue de l'Amitié au centre-ville de Bujumbura. Depuis jeudi de la semaine passée, certains de ceux exerçant les métiers exigeant le courant électrique qui se sont exprimés sur le micro-trottoir de la radio Isanganiro font savoir qu'ils travaillent à perte. Ces derniers demandent à la Régie des eaux de tout faire pour que l'électricité soit rendue disponible. Suivez. Ce manque de courant occasionne beaucoup de pertes. Depuis ce jeudi, on a observé des coupures d'électricité incessantes. Ce samedi, il y a carrément plus de courant. Nous qui utilisons l'électricité dans nos métiers comme la boucherie, le secrétariat public et le commerce des produits laitiers travaillons à perte. Il n'y a plus de clients, nos produits se détériorent. Nous recevons mal cette coupure de courant électrique parce que nos activités sont paralysées. Ces dernières dépendent de l'électricité. Nous demandons à la Régie des eaux de faire tout son possible pour rétablir le ces coupures d'électricité nous causent beaucoup de pertes. Par exemple, nous qui vendons des produits nécessitant l'usage du courant électrique, nos produits comestibles sont chaque fois abîmés. Nous demandons aux concernés de trouver des solutions à ce problème. Moi, je suis bijoutier. Depuis ce samedi, je ne peux pas travailler et voilà aujourd'hui aussi ma journée est infertile, alors que je suis rémunéré par rapport au travail accompli. Ça devient pour moi alors un problème pour subvenir à mes besoins. Et nous attendons jusqu'ici la réaction de la Régie des eaux sur ces grognes de certains de ceux exerçant les métiers exigeant le courant électrique sur l'avenue de l'Amitié. C'est au centre-ville de Bujumbura. Quittons la ville pour nous rendre au nord du Burundi, c'est en province Muyinga, où la stabulation permanente du bétail doit être appliquée par tous les éleveurs de cette province à partir du 1er avril prochain. À travers un communiqué lu dans les églises hier dimanche, le gouverneur de Muyinga menace de saisie définitive de l'animal en divagation sur les collines et les précisions de Dieudonné Nzeiman. En vue de faire respecter les droits de tout citoyen, une mesure interdisant la divagation des animaux domestiques sur les collines a été prise. Les éleveurs de la province Muyinga ont un délai d'un mois et demi pour se préparer. Début avril, la stabulation permanente sera obligatoire. Le communiqué signé par le gouverneur de la province Muyinga précise que les récalcitrants verront leurs animaux saisis définitivement. Aline Mane Labarusha, gouverneur de la province, félicite les administrateurs des communes Guiteranye et Gachoho. La stabulation permanente est déjà respectée. Certains éleveurs font valoir qu'une telle mesure nécessite un délai suffisant de préparation. Le prix sera revu à la hausse pour viande et lait. Un projet de loi relatif à la stabulation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour a été adoptée par le Parlement burundais en août dernier. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Quittons la province Muyinga pour nous rendre au centre du pays. C'est en province Gitega pour parler encore élevage. Il y a un mois que la dermatose nodulaire a attaqué les vaches dans la commune Elgin Solo de cette province de Gitega. Le médecin vétérinaire communal indique que cette maladie est venue de la commune Matana et les veaux ont été plus touchés que les vaches adultes qui ont reçu un traitement symptomatique. Alexis Simbanani fait savoir que chaque éleveur doit payer 5000 francs burundais par vache afin qu'un vaccin soit acheté au niveau de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage. Sinon, beaucoup de vaches risquent de mourir. Une correspondance signée Arthur Kavawushi. Cette maladie de dermatose nodulaire se caractérise par des nodules géantes sur la peau et en les pressant, la vache a des douleurs et quand la vache meurt, elle est saisie puis enterrée. Une autre caractéristique est la température élevée. Selon Alexis Mbananié, vétérinaire communal de Yansoro, il y a environ un mois que cette maladie est présente dans la commune et est venue de la commune voisine de Massana via le marché des bétails. Il fait savoir que depuis la présence de cette maladie, les veaux ont été les plus touchés car ils n'ont pas encore une grande immunité et que 3 veaux sont morts mais que d'autres sont en mauvais état. Quant aux vaches adultes, ils ont développé un traitement symptomatique. Alexis Mbananié indique que des mesures urgentes ont été prises comme l'interruption de la vente pour arrêter la propagation ainsi que l'isolement de la vache qui présente les symptômes de cette maladie. Une autre chose dont il fait savoir, c'est qu'une somme de 5 000 francs est en train d'être collectée auprès des éleveurs et par vache pour l'achat du vaccin déjà disponible à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Gitega. Alexis Mbananié demande à tous les éleveurs de la commune Yansoro de faire le paiement de cette somme au plus vite pour apporter ce vaccin dans les plus brefs délais. Sinon, d'autres vaches vont en périr. Depuis Gitega, Artur Kavabusi pour la radio Isanganiro. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Restons en province Gitega pour parler environnement. Le chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, dans cette province, salue le projet de la Croix-Rouge Burundi section Gitega de faire fabriquer et vulgariser les foyers améliorés utilisant peu de bois de chauffage. Il souligne qu'au cas où beaucoup de Burundais les utiliseraient, ils contribueraient sensiblement dans la protection de l'environnement. Toutefois, certains habitants de Gitega disent qu'ils ne sont pas capables de les acheter suite à leur pauvreté. À les précisions de Gérard Nibigira. Le secrétaire provincial de la Croix-Rouge Burundi à Gitega, Pasteur Ntunzimana, explique ici les raisons qui sont à l'origine de la fabrication de ces foyers améliorés qui fonctionnent à base du bois de chauffage. La Croix-Rouge a remarqué qu'il faut quand même contribuer à la protection de l'environnement et surtout contribuer à la réduction des maladies respiratoires. Ntunzimana Jean-Marie, chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBPE à Gitega, apprécie le projet de fabrication de ces foyers améliorés. En ce qui concerne le projet de foyers améliorés introduits par la Croix-Rouge, et nous saluons beaucoup cette mesure. C'est le moins commun que je pourrais donner à la Croix-Rouge. Il a failli d'abord que des réunions de sensibilisation dès la base jusqu'au niveau de province soient organisées pour pouvoir impliquer la population afin de se rendre compte des avantages dans l'utilisation des foyers améliorés. Nous saluons la mesure, d'autant plus que le système des foyers améliorés ne fait qu'utiliser peu de bois de chauffage, donc ça diminue les risques de destruction environnementale. De leur côté, les habitants de Gitega contactés disent que nombreux parmi eux n'ont pas assez de moyens pour acheter ces foyers améliorés. Toutefois, Pasteur Ntunzimana affirme que ce prix de 2000 francs par foyer amélioré est très faible, avoir son importance. Il termine en disant que la Croix-Rouge Burundi, en collaboration avec le programme alimentaire mondial PAM, a déjà fait fabriquer 13 000 foyers améliorés. 7 000 parmi eux ont été vendus ou offerts gratuitement aux gens et en certains services au moment où 6 000 autres attendent d'être vendus. Ils sont fabriqués dans les communes Guieta et Gitega de la province de Gitega. Depuis Gitega, Jean Ibira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h05 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Vente aux enchères ce lundi de 18 vaches et 7 chèvres qui sont gardées au commissariat de police de Gihanga. Depuis ce vendredi, selon l'administrateur communal de Gihanga, ces vaches et chèvres ont été attrapées à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi, précisément à Kagwema. Léopold Ndeisaba précise qu'elles étaient acheminées frauduleusement vers le Congo et que l'un des propriétaires a été attrapé par les forces de l'ordre, les autres ayant pris le large. Cette autorité communale fait également savoir que ces troupeaux seront vendus ce lundi en présence des agents de l'Office burundais des recettes et OBR et que cet argent sera déposé dans le trésor public. Parlons sport à présent. Sept athlètes constitués de 3 filles et 4 garçons qui représenteront le Burundi dans le cross country qui se déroulera au Danemark à la fin du mois de mars de cette année se sont qualifiés ce dimanche à l'issue de la 22e journée du championnat national de football. La formation Aigle Noir de Makamba est toujours à la tête du dit championnat, tandis que Messager Bujumbura est en dernière position. Le championnat de volleyball en mairie de Bujumbura était ce dimanche en sa 3e journée. 3 équipes, à savoir les As, Bujumbura Uwezo Andani et Ga Cosmos, ont été victorieuses. Les détails de cette actualité sportive avec Evariste Nzikowanyang. Les filles, à savoir Francine Niomukunzi, Francine Niomungere et Francine Rambona, et 3 garçons, à savoir Jean-Marie Bukuru, Thierry Ndikumenayo, Rodrigue Kwizera et Patrick Nibafacha, se sont qualifiés ce dimanche pour le cross-country qui se déroulera au Danemark à la fin du mois de mars de cette année. Les filles représenteront le Burundi sur 8000 mètres et les garçons sur 12000 mètres. Selon Dieudonné Kwizera, président de la Fédération d'athlétisme du Burundi, c'est une occasion pour eux pour découvrir le monde. Il faut aimer le sport. Quand vous l'aimez, le sport, je peux prendre l'exemple de moi-même. Si ce n'était pas l'amour que j'avais dans ce sport, je n'aurais pas eu l'occasion d'aller aux États-Unis pour y faire mes études. Je n'aurais pas eu l'occasion de sillonner le monde, de courtoyer les grandes personnalités de ce monde. Je n'aurais pas eu l'occasion d'être ce que je suis. Ça a été une fierté pour moi d'avoir découvert les talents que j'ai eus et de les avoir façonnés jusqu'à ce que je suis devenu un homme reconnu mondialement, pas seulement au niveau du Burundi. Dans le championnat de football en première division, c'est la formation Aigle Noir de Makamba qui est provisoirement classée première. À la 22e journée, cette formation a largement dominé celle de l'idéalidique Burundi Sport for Africa 6-1. Le match qui s'est déroulé au stade Prince Rwagasore, la formation Messager Bujumbura est 16e et dernière du championnat. Elle a été battue samedi 5-1 par Messager Ngozi au stade Rukundo de Ngozi. Le championnat de volleyball à mairie de Bujumbura était ce dimanche en sa 3e journée. Côté féminin, la formation des As a battu la formation de l'Université du Burundi, Rumuri, 3-0. Côté masculin, ont eu lieu 2 matchs qui n'avaient pas été joués la semaine dernière suite aux aléas climatiques. Bujumbura Uwezo Andani a battu Muzinga, 3-0. Ça a été le même score en faveur de Ga Cosmos contre Bissoro Volleyball Club. Évariste Nzikobanyang, à page justice de cette édition, le ministère burundais de la justice se dit prêt à mettre en application la récente demande du Conseil national de sécurité que soient arrêtés et jugés les autorités publiques qui se sont arrogés le droit d'attribuer des parcelles aux alentours du centre des eaux usées de Buterere. À ce point, la ministre Aimé Laurentine Kanyanayan, en charge de la justice, dit que ce ministère va bientôt adresser une correspondance au ministère des travaux publics pour lui demander un rapport irrelatif afin que soient poursuivis ceux qui se rendraient coupables. Mais d'emblée, précise que l'espace qui est réservé à cette zone devra être cédé. Suivez-la au micro de Léonce Vitalio. On va adresser une correspondance au ministre des Travaux publics et de l'Équipement pour qu'il puisse nous transmettre un rapport sur l'identité des cadres du ministère qui ont attribué ces parcelles. À travers ce rapport, on va continuer les enquêtes pour qu'on puisse découvrir ceux qui ont agi de manière frauduleuse afin qu'ils puissent être traduits en justice. Vous attendez d'être saisi, que l'on vous transmette le rapport, ou vous pouvez vous-même, en tant que ministère de la Justice, vous saisir directement du cas? Nous nous sommes déjà saisis parce qu'on va transmettre cette correspondance pour avoir l'identité de tous les cadres du ministère qui ont posé des actes dans le cadre de l'attribution de ces parcelles. Nous allons analyser leurs compétences dans le cadre de l'attribution de ces parcelles. Nous allons également analyser si l'objet sur lequel portait cette attribution, à savoir ces parcelles, n'était pas interdit. Quel, selon vous, le sort qui serait réservé aux acquéreurs de parcelles dites de bonne foi à cet endroit? Ce que je peux leur conseiller, c'est d'obtempérer aux ordres du gouvernement. Si le gouvernement a déjà déclaré que cet espace ne devait pas être occupé par les ménages et qu'il leur est demandé de quitter les lieux, c'est pour leur intérêt, c'est pour leur santé. Le gouvernement est responsable de la santé de la population. Donc, avant de formuler des réclamations fédérations, ils doivent mettre en exécution la mesure prise par le Conseil national de sécurité et même le gouvernement, parce que ce dossier a été toujours discuté au niveau du gouvernement et des ordres ont été toujours donnés. Aimé Laurentine Kanyana, ministre burundi de la Justice, au micro de Léonce Bitali, aux pages agriculture de cette édition. De longues files d'agriculteurs s'observent depuis ce lundi aux différents bureaux des COPEX et postes de la province Karoussi pour le paiement du solde d'engrais chimiques. Certains d'entre eux se lamentent qu'ils ne sont pas autorisés à de payer tout le solde correspondant aux avances payées, qui sont contraints de payer seulement pour deux sacs de 25 kilos chacun. Le directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement explique que la mesure a été prise en collaboration avec l'administration pour que tous les agriculteurs soient servis pour des quantités déjà disponibles en attendant des nouvelles quantités d'engrais qui vont arriver dans les stocks provinciaux. Blaise Pascal Kararumi. Ces longues files d'agriculteurs sont observables aux différents bureaux des COPEC et postes de la province Karoussi en attente du paiement du solde d'engrais chimiques pour la présente saison culturelle. Certains d'entre eux grognent qu'ils ne sont pas autorisés de payer tout le solde correspondant à la quantité d'engrais chimiques dont ils ont déjà payé l'avance et disent qu'ils ne sont limités qu'à deux sacs seulement, chacun pesant 25 kg. Cela est confirmé par les agents percepteurs de ce solde, comme le confirme aussi la gérante de la COPEC Karoussi, en présence avec tout le personnel et même les superviseurs, rencontrés ce matin en train d'organiser cette activité avec une foule très nombreuse d'agriculteurs. À la direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement de Karoussi, le directeur provincial explique que cette mesure a été prise en collaboration avec l'autorité provinciale dans le but de servir tous les agriculteurs qui en ont besoin et éviter la fraude, explique le directeur provincial. Gustave Majambéré indique que 1000 tonnes d'engrais chimiques sont déjà disponibles et tranquillise que de nouvelles quantités de cet engrais sont attendues arriver dans le stock provincial. Il appelle à tous les agriculteurs qui ont payé le solde de se présenter le mercredi prochain, le 20 février, dans les différentes zones de la province Karoussi pour récupérer l'engrais chimique dont le solde est déjà payé. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararumié pour la radio Isanganiro. À 13h13 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par la page éducation. Et je vous l'avais annoncé en titre, les travailleurs de l'école indépendante de Bujumbura, regroupés au sein du syndicat STEIBU, réclament la revue à la hausse de leur salaire suivant la classification de cette école par le ministère dans la catégorie A. Alors que certains de ces travailleurs ont manifesté leur colère devant cette école le matin de ce lundi, Bernard Barahinyuza, qui les représente, regrette que leur doléance ait été ignorée lors de la réunion tenue ce dimanche. Diomède Ndorere, représentant légal adjoint de cette école, qualifie quant à lui cette manifestation de mouvement insurrectionnel, expliquant que leurs réclamations ne sont pas fondées. Les précisions d'Eline Bell Nivikira. Des élèves dans la cour de l'école, des enseignants à l'extérieur avec des écrits, je cite, « Nous exigeons une réunion extraordinaire pour étudier nos questions. » Et sur d'autres, « Nous rejetons le procès verbal de la réunion du 27 janvier 2019. » Bernard Warahinyuza, président du syndicat STEIBU, regrette que les questions qu'ils avaient soumises ont été ignorées dans la réunion extraordinaire de ce dimanche. Parmi ces questions figurent celles qui concernent leur salaire, même s'il y a d'autres qui sont déjà soumises à la justice. Nous avons manifesté ce matin, bien sûr, parce que c'est suite de l'Assemblée générale tenue hier le 17 février 2017. Donc on nous a refusé la parole, on n'a pas écouté les demandes de l'enseignant et nous sommes sortis de la salle. Et puis alors aujourd'hui, nous avons voulu montrer aux parents notre colère, qu'on rétablisse dans nos droits, c'est-à-dire nous sommes dans la catégorie A, alors qu'il faut que l'enseignant de l'école indépendante soit rétabli quand même dans ses droits pour qu'il soit dans la catégorie A dans tous les domaines de la vie de catégorie A. Diomède Ndorere, représentant légal adjoint de l'école indépendante de Bujumbura, dit que ces travailleurs ont observé un mouvement insurrectionnel car ils ne sont pas en manque, explique-t-il. De plus, il dit que pour statuer sur les questions qui concernent le personnel, ces travailleurs doivent être écartés. Les questions qu'il pose chaque fois sont presque les mêmes dans toutes les années. Les questions qu'il pose souvent, ça concerne les salaires, concerne d'autres primes. Sinon, les salaires sont payés régulièrement. Ça concerne d'autres primes qu'il réclame. Et c'est tout à fait simple, mais le mouvement d'aujourd'hui, je pense que c'est un mouvement insélectionnel. Il n'avait pas demandé la permission de le faire parce que manifester sur la voie publique ou même sur le lieu de travail, il devait avoir une permission. En ce qui concerne la question qu'il pose chaque fois, l'Assemblée générale, du 27 janvier, s'est prononcé là-dessus. Le niveau de les salaires n'est pas un niveau bas par rapport aux autres. Concernant la réunion extraordinaire qu'ils exigent, ce représentant légal de l'école indépendante dit que la loi régissant cette école prévoit 3 réunions extraordinaires par an et que quand bien même cette réunion se tiendrait, leurs questions seraient inscrites dans les divers. Même si ces travailleurs ont manifesté leur colère, ils tranquillisent qu'ils ne vont pas suspendre définitivement les activités, espérant qu'ils seront rétablis dans leurs droits par les parents. Eline Bell Nibigira, voilà 13h16 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Alphonse Koubguiman qui en assurait la mise en onde. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.